On s'aime pas mais on fait tout semblant, c'est ce qui nous occupe. Une petite panne sur les réseaux sociaux, c'est ça qui coupe ta vie. Je voulais une femme mais j'ai pas les moyens, j'ai des bouches à nourrir. J'ai une mère que je ne vois plus souvent, je vois trop mes amis. Je peux te mentir, les yeux dans les yeux, je me suis déjà menti. Pas méchant mais parfois je fais semblant, pour moi ça fait viril. C'est mon enfant, je pouvais tout faire pour elle. J'ai mes traumatismes, la rue ça tue, derrière pas t'en fumer. C'est comme la Garetti, et du coup le petit Kevin du check, le foot c'était pour lui. Mais rien, il est posté dans le bat, c'est lui qui vend du shit. Hey copine, t'étonnes pas de la jalousie. Tu racontes ta vie, c'est celle qui dit, t'es trop belle ma chérie, souvent les hypocrites. Trop de choses à dire, je peux pas me taire, j'ai trop la poule au ventre. L'adversaire a marqué le but, remets la balle au centre. T'as ni principe ni coronet, ce qu'on peut pas s'entendre. Y'a que les fils de pute qui voient des choses qu'ils ne peuvent pas revendre. Les journalistes impatientes, ils veulent une interview au quartier. Sans battre les couilles, mon profil, c'est petit qui sort de la cité. Nombreux étaient à penser que j'allais pas réussir. Si j'avais la dash, je voyais le frigo et je restais pas assis. Pep, si je dois régler des comptes, c'est pas sur les réseaux. On discute comme des vrais. Conversation se fait à huis clos. Et ce qu'ils pensent de moi, je m'en bats les couilles en vrai. Regarde-moi dans les yeux, finir entre quatre plans, je pourrais les satisfaire. Et mon entourage me dit que j'ai la plume. Je m'amuse quelques années, puis après tu me verras plus. Je suis lunatique et ma conscience me dit il faut que j'arrête. Je viens d'une autre planète, même ailleurs je me fais des pépettes. Mes nouveaux amis sont devenus mes ennemis. J'ai pris trop de place et maintenant ils veulent me nuire. C'est pas possible, une fois que tu perds tes couilles, après ça pousse pas. Les mecs insultent ta main sur Twitter dehors, tu les trouves pas, c'est dommage. 2h30, j'ai pas bougé, je suis QH5. La détention, je l'ai pas vu venir comme un coup d'extinct. Ouais, j'ai pris conscience, ta liberté, ça coûte cher. Et que même pour un tête-à-tête, je pourrais plus me prendre la tête, tu sais. Même torse nu, ils retournent leur veste. Les bâtards, je les rodave comme un guetteur en North Face. Je retrouve le sourire que dans la classe à faire. Quand je passe les portiques sonnent, j'ai le regard revolver. Nick ton père. Et nique sa mère la censure, je peux pas manquer d'inspiration, même bloqué à la santé. Cellule 104, écro 093. Les superposés, ouais les pélés que je suis pas à l'aise. 6 ans de carrière, y'a des médias qui savent pas que je suis là. J'suis le premier putain de rappeur français à faire Coachella. Des concerts tout part, du Sénégal au Danemark. Je me fais plaisir, je m'en bats les couilles de victoire. Je dépends de personne, c'est moi qui gère le navire. Je tiens la meute, c'est ma Paolo Maldini. Je suis dans le mal, me demande pas si ça va. Garde la paix, je suis posé moins de questions quand j'étais pas là, ouais. Autant marcher seul que si c'était bête. C'est comme ça la vie. J'ai pas fait ce qu'ils voulaient, j'suis retiré des playlists. J'attaque le rap français, dévoile son vrai visage. En vrai, y'a que des voteurs derrière ce beau paysage, hey. Les rappeurs qui passent sur moi parlent pas devant les ingés. Peu importe l'âge, à tout moment on peut se mélanger. Je sais que c'est cru, j'connais la rue, j'ai l'habitude. J'ai fait face à voyous qui ont pas vécu. Y'a pas de hasard, tout est calculé. Fais pas le bâtard, tu trahis la Honda, c'est que t'es un enculé. L'Afrique c'est pas une tendance, j'ai de l'eau aucun riz. Ils veulent tous des petits qui dansent dans des bidonvilles. Zama 2019, tout le monde est Naija. Chaque coup dans les clips, ça fait hella. Ça vient de chez nous, ça vient de Paris. 19ème Nord, comme Moussa Diaby. Le star c'est moche, comme un bouton qui pousse. Mais dedans y'a pas de pu. Et en promenade, ça fait des circuits zigzags. L'Archuma, le surveillant qui gaz, il a qu'une barre. Trop de projets en tête, je suis né pour brasser. Tant que je peux compter mon osée, c'est que j'en ai pas assez. Euros, dollars, dirhams, livres sterling. Je récupérais des pactages devant la guerre au Sterlitz. Chérie, n'écoute pas les rumeurs, les on m'a dit. C'est vrai que je suis enfermé, mais dehors j'ai liomé. Sur un coup de fil, j'apprends la mort de Tronçon. Celui qui me disait, dans son 19, tu peux pas faire mieux. Repose un peu mon rêve, pourtant j'en fais des hier prix. On se butait au room service avant le 40-40. Avant de bouger là-bas, j't'ai laissé ma casquette Gucci dans tout babu. Tu as répété MH, c'est mon bon petit, mais merde. J'écris les larmes aux yeux. J'essaie de vider tout mon chagrin en regardant dans les cieux. Mais c'est dur. Faites-moi passer un jeu. Les années passent et je réalise, la vie c'est pas un jeu. En ça, y'a que la mort qui pourra me faire taire. Et y'a mon pire ennemi, je parie pas lui c'était d'aller en enfer. Mon cerveau se nourrit d'alter. Assis sur mon trône ou à genoux quand je fais la prière. Avoir une femme et des marmots. Madame je l'ai ma mort mais face à elle j'ai pas les mots. C'est mon yep et mon épaule, on finira côte à côte. Une vue en bord de mer et le soleil qui se lève à l'aube. Situation délicate mais j'ai pas changé. C'est les épreuves de la vie. Il suffit d'avoir le mental pour les surpasser. Je suis un vrai Tcheba, je suis le boxeur, jamais dans les cordes. J'ai touché le pactole, ouais j'ai pas suivi les normes. Et que dire, à part que mon cœur est noir comme à Tegar. Va mon compte tomber à découvert, astafola. J'ai déconseillé un peu tout part. Après l'album, je vais te couper les ponts chez la banque postale. J'suis ni la pluie ni le soleil, c'est moi la tempête. J'connais trop de mecs qui parlent la tête au début de l'enquête. J'demande pas grand chose, juste le respect. Chez nous, y'a pas de place pour les jarouettes et ceux qui rousse pète, hein. Ma vie est pleine de suspense, c'est pire qu'un feuilleton. On va sur YouTube, à la télé, même à l'œilleton. Et c'est vrai que ça manque, les champs et la rue Rivoli. J'dois régler quelques soucis. Igon Pairini, elle est pas mal celle-là. Hero des putains, j'peux parler toutes les langues quand j'dois négocier la cuenta. Et vérifie le son, y'a pas de mytho. J'enchaînais les freestyles avec Janka dans sa petite Clio. On galérait, y'avait pas trop de mousseau. Petit appart vers Goncourt sur un fond de Zao. Anti-michetonneuse que persévère. Mon ex m'a trompé avec un fouteux, même pas titulaire. Elle est bête ou quoi? J'l'ai pas le mec, venez dans mes affaires. Renaud, tout le monde parle, personne ne va rien faire. Crois-moi, y'en a qui se réjouissent de mon absence, il paraît. Tout va se régler, j'vais crever l'abcès, papé. Le jeu du Barça, j'fais des passes, tiki-taka. J'suis trop connu, jamais on me dit négro, t'es qui toi? GNI au bout du fil et j'dois répondre que ça va. Il me dit qu'il vient à tes parlus, pourtant j'ai trop de moula. Ça me fait plaisir, mais les gros pensent à moi. Vrai reconnaît, vrai demande à Ibra du 50k, le temps me paraît long. J'ai le temps de bosser mes bras. Prendre quelques kilos avant d'être libérable. C'est vendredi qu'on retrouve le sourire. Mais faites rentrer mes cantines. Quelques feuilles de Gaëtti et des paquets de spaghetti. Fils de pute, j'ai pas une terreur. Je regarde tes PMP et moi et ti, je la pète tout à l'heure. Rien qu'un sourire, la petite renard du greffe. Le chef du bâtiment, what a bitch, c'est pas mon chef. Des mauvaises habitudes de tolard. Mais fais ta fouille, connard. Je vais te laisser ma petite cellule avec un tas de molars. Je vais pas me gêner de dire que je suis un génie. De Pingadji à Betty, mais si je les ai investis. Ce que je voulais dans ma life, c'est déjà acquis à 3,7 millions d'euros et quelques centimes. Bah ouais, tu crois qu'on lève le doigt pour prendre la parole? Bande de gogol, on peut soulever de Andy Carroll. Malgré mes quelques défauts, je reste des France. Si tu sais rien, bah tu la fermes ta gueule. Il vous reste 1 minute et 10 secondes. Et l'autre qui va crier sur tous les temps que je lui dois des housses. Gros, j'ai de faire une fleur, on va régler ça entre nous. Marre de ces putaclics qui salissent mon blaze. Je vais pas finir comme Kadhafi ou Amin Dada. Voilà. Que t'aimes ou t'aimes pas, c'est la même chose. Y'a que 20 relous comme un mannequin qui fait les mêmes poses. J'ai un noir au destin favorable. Fallait le courage, ma vie n'était pas trop agréable, frère. J'ai mal au cœur, mais j'ai peur de voir le docteur. J'pourrais pas vesquer qu'il a mort, même coffré dans un bunker. J'trouve des réponses pour ensuite me contredire. J'prends la route à contresens sans permis de conduire. Ça fait mal quand ton gars sûr prend pas de nouvelles. Enveloppe, papier, timbre, j'te demande pas la tour Eiffel. Merli, c'est la vie. J'te vends le couteau dans le dos, provient du poteau qui te prévient. C'est les aléas, faut que je prenne mes distances. On dit que je parle mal, c'est pas de ma faute. Je dis ce que je pense, bah ouais, soyons sincères, parlons français. C'est du mal à m'attacher, souvent le cœur est brisé. Des regrets, après teaser, après hem hem. Et ma go depuis que je l'ai quitté, elle est grave chez moi là. Triste à savoir.